les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ce qui m'excite quand je peins, c'est ce qu'une couleur fait à une autre couleur et ce qu'elles font toutes les deux en termes d'espace et d'interaction. Je ne suis pas excitée par une idée, j'ai des sentiments qui me viennent de l'extérieur et je suis émue par les couleurs mises ensemble sur une surface plane. C'est ce que disait Joan Mitchell lors d'un de ses entretiens avec le philosophe Yves Michaud. Yves Michaud, pour évoquer Joan Mitchell, nous allons le retrouver dans l'archive qui va suivre avec les critiques d'art Philippe Dagen et Jacques Bouzeran, la journaliste Véronique Butin, l'écrivain et historien d'art Pierre Schneider et le galeriste Jean Fournier. C'était en 1994, 2 ans après la disparition de l'artiste, dans une émission que Catherine Serre consacrait à la vie et à l'œuvre de Joan Mitchell. On y entendait aussi la voix de la peintre américaine, extraite de la bande-son de Portrait of an Abstract Painter, un film que lui avait consacré Marion Cajori. Une vie, une œuvre, Joan Mitchell, peintre de la vitalité furieuse, une émission diffusée la première fois le 8 septembre 1994 sur France Culture. Joan Mitchell, peintre de la vitalité furieuse. Une émission de Catherine Serre. They call me sauvage in Europe, so I take it on. Because I'm direct and I don't speak the word. I say what I think and you're not supposed to. You're supposed to be diplomatic, which I call hypocrisy and lying, really. Lots of things women can't be. What? Sauvage is one of them. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on voit bien, et quelquefois dans des tableaux qui n'ont pas de titre, ou quelquefois dans des tableaux qui ont des titres, que Joan Mitchell réagit au quart de tour sur une impression. Elle part de quelque chose, et à ce moment-là, on a la description sensuelle, hein, intime de ce qu'elle ressent devant un paysage, devant une absence de paysage, devant une absence de vie dans quelque chose. Il y a un tableau qui s'appelle No Birds, pas d'oiseaux. C'est formidable. Et on voit en même temps un tableau qui est un coin de nature, quelque chose comme ça. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs, il n'y a pas à décrire, il n'y a pas à expliquer ce que c'est. On n'a pas à dire ce tableau représente ceci ou cela. Mais quelquefois, elle le dit elle-même. Alors, elle lit rain, la pluie, tilleul, 4, 5, elle numérote. Elle donne des impressions, c'est des bouts d'impressions qu'elle fait exploser sur son tableau à un moment où elle choisit de le faire, c'est-à-dire le soir, elle a recueilli, engrangé un tas d'impressions et elle les fait sortir sur la toile. Joan Mitchell n'aimait pas l'idée des rétrospectives, des monographies. Elle n'aurait peut-être pas aimé cette émission axée sur le peintre et la femme qu'elle fut. Née à Chicago en 1926, elle commence à se faire connaître à New York en montrant ses premiers travaux. Elle y rencontre les peintres majeurs du moment, Franz Klein, Willem de Kooning, Robert Motherwell. Mais malgré ses débuts prometteurs et une reconnaissance de plus en plus évidente, elle s'éloigne de son pays et vient s'installer définitivement en France, à Paris, puis à Vétheuil, où elle restera jusqu'à sa mort, en 1992. Cette campagne française qu'elle voyait petite fille à l'Art Institute de Chicago, à travers les toiles de Monet, de Manet, de Cézanne, cette lumière et ces arbres auront une place considérable dans ces toiles aux dimensions souvent gigantesques, où s'agissent des couleurs profondes. Peut-être marginale, certainement solitaire, mais aucunement coupée du monde, Joan Mitchell cherche avant tout une qualité poétique, une intensité émotionnelle. Juste après sa mort, le critique Peter Sheldahl écrivait « Il y a bien des gens dont on peut dire qu'ils vivent pour l'art, mais avec si peu de vitalité. Mitchell a réellement vécu et réellement peint. » Ce sont des grandes traînées de peinture, des écrasements de couleurs, des jaunes et des bleus qui se cognent, un kaki bizarre d'ailleurs, qui va à côté d'un rouge bordeaux. Et pour elle, c'est cela, voilà ce qu'elle voulait dire. Elle disait ça, elle le disait sans explication. Elle n'avait pas à s'expliquer d'ailleurs. Ce jaune qu'on retrouve dans beaucoup de, tableaux. Oui, elle avait pour le jaune, les oranges, les prédilections. On en voit beaucoup partout. Moi, ce que j'adore comme couleur chez John Mitchell, c'est le bleu. Là, un bleu qui est profond et sublime. Le bleu nuit, vous voulez dire le bleu là. Mm-hmm. Le bleu, ce grand diptyque là, qui est un bleu qui parfois peut rappeler un peu le bleu Klein, si on veut, ouais. Qui est ou les bleus de Van Gogh, oui. Mm-hmm. Oui, c'est pour John Mitchell, Van Gogh était quand même peut-être pas un modèle, mais en tout cas une référence très forte. Mm-hmm. Oui. Véronique Butin, la première fois que vous avez rencontré, la toute première fois que vous avez rencontré John Mitchell, quel effet, si je peux dire, elle vous a fait? Comment vous la sentiez physiquement? Écoutez, le premier effet, il n'était pas physique. Elle finissait son café au lait du matin, il devait être 6h du soir, et elle s'est immédiatement servi un Ricard bien tassé derrière, et j'ai été un peu... en même temps estomaquée, éblouie, quoi. Ça me paraissait fascinant. C'est quelqu'un qui était toujours en pantalon. Elle avait toujours des t-shirts, genre t-shirts de marin, très souvent, rayé bleu et blanc, des choses comme ça, complètement élimé. Enfin, c'était pas du tout une reine de l'élégance. On peut dire que je l'ai jamais vue, chez elle en tous les cas, autrement que avec des jeans, des énormes tennis. Alors aujourd'hui, on a toute cette vision de toutes ces femmes qui marchent dans la rue avec des tennis parce que c'est plus confortable. Elle avait vraiment, c'était des énormes tennis. Elle était tellement frêle. Elle avait ce qui était généralement un peu bigarré, genre rouge, blanc, bleu ou des choses comme ça. Et puis elle était maigrissime. C'était même pas maigre. Elle était maigrissime. Elle avait les cheveux mi-longs, avec des lunettes ou noires ou fumées, et elle fumait clope sur clope, donc elle avait ce geste incessant de la main de quelqu'un qui fume, et c'était quelqu'un qui avait les joues très creuses, enfin on sentait qu'elle ne vivait pas de bonne chair et sur... on sentait quelqu'un d'intense immédiatement en la voyant, et certainement pas préoccupé par... Par des soucis vestimentaires. Or, c'est certainement une personne qui a été très soucieuse de son élégance. Quand on voit les photos quand elle était jeune, c'est avec cette robe de bal, ou quand on la voit plonger, parce que c'était elle a fait beaucoup de patinage artistique, elle en parlait beaucoup. C'est donc quelqu'un qui a été. Et qui, à l'époque où je l'ai rencontrée, non seulement ne s'intéressait pas à son corps, mais avait un certain plaisir à montrer qu'elle s'en désintéressait et que ça n'avait pas d'importance. Moi, je me souviens au début, comme toute petite bourgeoise française, quand j'allais chez elle, j'arrivais avec un bouquet de fleurs ou des trucs comme ça, ce qui était, une fois de plus, hautement exotique. Est-ce que vous la situeriez dans les peintres américains? Ou dans les peintres tout court, bien sûr, mais... Vraiment, je serais bien incapable. Dans cette génération-là, Gorky était arménien, de Kooning était Philippe Dagen, néerlandais, Rothko venait de Pologne, mm-hmm. Newman, certes, était né aux États-Unis, d'une famille originaire d'Europe centrale. Bon. Déjà très cosmopolite. John Mitchell était, en effet, elle, américaine de plusieurs générations. Mais, et elle en était assez fière, née dans une bourgeoisie lettrée, d'ailleurs assez prospère, de Chicago, une famille d'intellectuels et d'ingénieurs. Et ses premières études, elle les a faites à l'Art Institute avec la peinture européenne et avec le cabinet des dessins de l'Art Institute, c'est-à-dire avec Rembrandt, Daumier, Cézanne, Matisse, Picasso, qui voulait. Bon, sa culture picturale était une culture... naturellement, nécessairement européenne. Alors, bon, américaine, européenne. I recall a story you told me of that you said in French, bleu. Oh, bleu. It's oui. Less blue than blue, B-L-U-E, because blue was blue when I was little, so it looked blue. Do you associate words with color? No, they're made up of color. The alphabet is color. The alphabet is color? Oh, yes. What is A? Green, obviously. It's green? Why? Well, because it is. You sound like my sister. I used to fight with her when I was 3 years old. But A is green. Can't you see it? S is red. She would say no, and then I don't know, and then I got very upset. She was bigger than I was. S'il est certain que Joan Mitchell est resté toute sa vie un peintre américain, je crois qu'elle a très rapidement perçu en effet qu'il y avait un danger certain à se laisser entraîner dans ce mouvement typiquement américain des années 50. Et le choix qu'elle a fait de, dans un premier temps, balancer son temps entre Paris et New York, puis finalement le choix définitif de la France, est évidemment pour ne pas être pris au piège de ces catégories esthétiques. Parce qu'au bout du compte, ce qui était important, c'était la peinture, d'une part, Joan Mitchell, d'autre part. Philippe Piguet. La passion de Joan Mitchell pour la peinture européenne, et plus particulièrement française, quoi qu'elle ait dit, puisqu'elle disait elle-même « je n'ai pas d'affinité particulière avec la peinture française », bien sûr, j'aime Chardin, Matisse, Van Gogh surtout, mais pour moi, Van Gogh n'est pas français. Il reste qu'elle l'a été, je pense, comme toute cette génération d'artistes américains qui sont venus au début des années 50, au cours des années 50, en France, et qui comptent des personnalités aussi intéressantes que Charlie Jaffe, que Yoon Gurman, que Kimber Smith, que Sam Francis, etc. Ce sont des artistes qui, au début de leur carrière, ont été irrésistiblement fascinés par deux grands artistes français, Matisse et Monet. Matisse et Monet, moi je pense qu'on pourrait résumer cela en disant la couleur et l'espace. La couleur, avec Matisse, cette couleur crue, cette couleur pleine, cette couleur dense, cette couleur taillée dans le vif des papiers découpés. Et puis Monet, l'espace illimité, à perte de vue, sans borne, évidemment des nymphéas. Et de la campagne française aussi. Oui, alors cela, ça vient, je dirais, d'une manière a posteriori, puisque la campagne française est opérante, en quelque sorte, dans la vie et l'œuvre de Joan Mitchell, à partir de la fin des années 60. Il s'agit tout d'abord de bien, je crois, appréhender cette relation de Joan Mitchell à la culture picturale française, alors qu'elle est dans ce va-et-vient Paris-New York, donc un va-et-vient urbain, par rapport donc à toute cette production chromatique et spatiale de Matisse et de Monet. Mais c'est vrai que peut-être ce qui en fait est une espèce de fil rouge permanent dont elle dit elle-même que ça compte encore plus que tout autre, c'est Van Gogh. Et je crois que tout ce qui gouverne l'œuvre de Joan Mitchell est quelque chose de cette nature qui relève d'une tension permanente, d'une exaltation permanente. Et là, je crois qu'on parle de Van Gogh quand on parle d'exaltation. D'une violence. D'une violence, bien entendu. Quelque chose qui est poussé à son extrême, au bout du compte, jusqu'au boutiste même, et qui est tantôt douloureux et tantôt bienheureux. Mais vraiment, invariablement. C'est-à-dire dans une espèce de mélange qui ne fait pas de partage. Ce qui est important, c'est que la peinture y gagne quelque chose. Et la peinture, sans cesse, chez John Mitchell, gagne une densité, gagne une présence, je dirais gagne une épaisseur, gagne au bout du compte peut-être quelque chose qui est d'une qualité d'être, qui est tantôt puisé dans un quotidien terriblement dramatique et tantôt dans un quotidien terriblement heureux. Mmh. Mais c'est toujours terrible. Mmh. Ce qui en fait irrésistiblement une sorte d'arme de Van Gogh. Mmh. Je me souviendrai toujours, alors avec une émotion qui se revit immédiatement dès lors qu'on en fait allusion, de l'avoir emmenée sur la tombe de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Elle n'était jamais allée à Auvers-sur-Oise et il se trouve qu'un week-end où j'étais là, je lui ai dit tiens, allons voir la tombe de Vincent Van Gogh. Et elle était disposée, ce qui était merveilleux. Je ne me souviens plus du tout du trajet, mais alors je me souviendrai évidemment longtemps, je crois, du silence qui nous a enveloppés tous les deux, debout, en face de Vincent et de Théo, ou du moins au pied de Vincent et de Théo, et puis, derrière le petit muret du cimetière d'Auvers, ces chants qui se perdent et dont je ne peux que penser que la série qu'elle a faite en 90 opérait en mémoire de cette vision. Alors là, on est devant un petit diptyque, oui. Un petit format, intitulé Chant, mais ça ne sera pas le seul, puisqu'il y a eu... Non, il y a beaucoup, il y a toute une série de tableaux qui s'appellent Chant. Chant, pour elle, c'est quoi ? C'est ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle a ressenti devant des chants, tout simplement. Dans une série comme Chant, par exemple, c'est une succession de chants vus et qui doivent donc être vus comme des chants. Et il n'y a qu'à les regarder pour voir que ça fonctionne comme ça. Que je me rappelle avoir préfacé ces Pierre Schneider. L'exposition de ça que j'avais vu chez Jean Fournier et que j'avais été voir les toiles, c'était visiblement des chants. Eh bien, en même temps, elle les superpose comme une série de casiers, comme une série de tiroirs. C'est un peu Judd qui se serait converti à la nature avec ces espèces de formes superposées. Eh bien, ça, c'est un problème que Monet s'est posé dans les grandes nymphéas du jeu de paume. Surtout là, d'ailleurs, vous avez une vision horizontale, mais simultanément, le motif est tel qu'il est à cause du jeu des transparences de l'eau qui reflète le ciel, qui reflète les arbres. Il y a une espèce de dialectique, de navette entre verticalité et horizontalité qui fait que ce vertige des grands Monet du jeu de paume, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les grandes jaunes des dernières années. Chez Joan, ce mélange incroyable de d'attirance. On ne pouvait pas ne pas être attiré par elle. On ne pouvait pas ne pas se sentir très petit et complètement fasciné parce que c'était un personnage. L'envers de la médaille, c'est que parfois les rencontres étaient difficiles. Je me suis toujours demandé pourquoi, qu'est-ce qui avait pu faire qu'on... Parce qu'à un moment, on peut dire qu'on était vraiment très proches. Je me suis toujours demandé pourquoi, parce que j'étais aussi loin de son univers qu'elle était loin du mien. Et je crois que c'est justement le fait que nous étions dans deux univers totalement différents, que moi j'avais tout à apprendre d'elle, et envie d'apprendre certainement, ça c'est quelque chose qui est arrivé, et que finalement c'était plutôt positif tout d'un coup d'avoir deux mondes qui se rencontrent. Moi je trouvais le sien fascinant, le mien ennuyeux comme la pluie. Je crois qu'elle a toujours trouvé que le mien était ennuyeux, mais il était différent du sien, quoi. Peut-être que c'est ça aussi qui l'attirait, de ne pas parler que de peinture ou de... Je crois qu'on n'a jamais parlé peinture ensemble. On a parlé des hommes, on a parlé... C'était une féministe convaincue et ardente. On a parlé de... À l'époque, je m'occupais beaucoup de décoration aussi, en plus de cuisine. Et elle trouvait ça... Elle me disait toujours... Ah, c'est pas chez toi que t'aurais un canapé comme le mien. Faut dire qu'elle avait sur ses canapés des espèces de couvertures dégoûtantes sur lesquelles ses chiens se couchaient sans arrêt. À tel point qu'un jour, je suis allée au marché Saint-Pierre, j'ai acheté 25 mètres de tissu. Je suis arrivée chez elle, j'ai recouvert tous les canapés en lui disant au moins, ils vont salir un nouveau tissu. Et elle trouvait ça littéralement, mais magique, quoi. Magique, et c'est quand même beaucoup moins magique que de faire un tableau, mais effectivement, je lui avais acheté vraiment de la grosse toile bleue avec une rayure jaune, je me souviens, et j'étais arrivée avec mes aiguilles et ma machine à coudre, et j'avais carrément cousu les housses pour ces canapés. Et elle était là, elle disait, mais c'est pas possible. Il y avait un décalage quand même entre son travail, sa création à elle, qui était véritablement un travail d'artiste, et puis mon système D, là, pour recouvrir ses canapés. Et elle était quand même, donc, assez décalée par rapport à la réalité, aux choses quotidiennes. Elle était totalement décalée. D'abord, elle avait une vie décalée quotidienne, ne serait-ce que dans la mesure où, se levant, elle ne se levait jamais avant 5 heures de l'après-midi. Elle ne peignait que la nuit. Moi, à l'époque où je l'ai connue, elle ne travaillait que la nuit. Et au petit matin, elle redescendait. Je dis redescendait parce que son atelier était en haut d'une petite... pente comme ça, derrière la maison, et donc elle redescendait et elle se couchait quand nous on commençait à peu près à voir le jour. Alors elle était décalée, mais elle avait eu une enfance extrêmement protégée dans une famille très, très bourgeoise de Chicago avec un père médecin, enfin elle en parlait, et donc elle avait connu cette vie très rangée, très bourgeoise. Elle s'en était complètement écartée. Je ne sais pas dans quelle mesure ma façon à moi de vivre, elle se moquait toujours de moi, mais parce que j'avais mon argenterie de jeune fille, elle trouvait ça du plus haut ridicule, mais en même temps, ça aimait bien venir à la maison manger avec l'argenterie, quoi. C'était toutes les contradictions de Joan. Joan Mitchell était un individu grave. Joan Mitchell était quelqu'un qui cherchait toujours aussi à vous entraîner, je dirais très loin, dans toutes les discussions qu'on pouvait avoir avec elle. Ce qui, à mon avis, illustre bien cette obsession de l'espace chez elle. Et à chercher le lointain, chercher le profond. Attentive, très attentive aux gens. Très attentive, en même temps très possesseuse. Ça, c'était... quelque chose qui la caractérisait. Je veux dire qu'à partir du moment où elle avait établi avec quelqu'un une relation, simplement de qualité, au sens où ça apportait à l'un et à l'autre, elle essayait effectivement de prendre possession du terrain. Alors c'était des fois un peu difficile, et il s'agissait de savoir résister à cela. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça que, pas du jour au lendemain, mais presque, je pourrais dire, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'aller voir Joan Mitchell. Parce que je crois que nous nous étions peut-être pas tout dit, mais nous nous en étions suffisamment dit qui puisse nous apporter l'un à l'autre. En tout cas, pour ma part, je savais que j'étais arrivé à un moment où... Il n'y avait pas d'autre manière de faire que d'arrêter ce processus, parce que sinon j'allais y passer tout entier et c'était pas la finalité. Ce qui m'intéressait ou ce qui m'importait, c'était de pouvoir, je dirais, grandir dans cette manière d'échange que j'avais avec John Mitchell. You know, vous savez, quand on a une relation constante avec des peintres ou un peintre, les critères sont importants, mais Jean Fournier sont aussi secondaires. C'est-à-dire que le marchand qui vient pour rencontrer John Mitchell ou qui est à la charge d'une galerie et qui vient pour voir que présentera ou que souhaite présenter le peintre à la prochaine exposition, il n'y a pas beaucoup de jeu, si je puis dire. Enfin, voilà le travail du peintre pendant un an, pendant deux ans. C'est ça. C'est ce qu'on vous donne à voir. Et à vous de savoir à peu près lire deux ou trois choses dans ce travail, mais vous ne lirez que deux ou trois choses, et il vaut mieux que vous ne vous trompiez pas trop, même si le peintre est bienveillant. Une œuvre d'art, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, extrêmement vulnérable, qui a besoin d'une attention, et le peintre n'a pas fait des tableaux comme il aurait fait des décors. Il y a quelque chose qui rattache le tableau profondément à lui. Donc, si vous en dites trop de bien ou trop de mal, quelqu'un souffrira. Dans ces deux toiles qui sont en face de nous, donc un diptyque et une grande toile, quels sont pour vous les éléments de transformation d'une période à une autre? Qu'est-ce que... Le donner à voir. Pas la peinture, pas la chair du tableau. Mais ils sont peints à peu près par le même... On voit bien qu'ils sont peints par le même peintre. Mais ce qui est donné à voir, vous le voyez vous-même. Nous n'allons pas en faire le catalogue. C'est très différent de l'un à l'autre. Mais ils sont un ton qui est toujours le ton du peintre. Un ton, j'entends, à l'oreille. Parce que les tableaux, ça s'écoute aussi. Ça se voit, mais ça s'écoute. Vous aimez cette peinture? Énormément, mais pour ça aussi, il faut donner beaucoup de temps. On ne peut pas venir une seule fois. C'est vraiment quelque chose qu'il faut les revoir et revoir pour découvrir. Okay. Il y a des personnes qui font sans y penser. Exactement, certainement, elle le fait comme ça. C'est peut-être une partie totalement... qui sort de son cœur, c'était tellement vécu quelque chose qui sent, qui là, c'est comme les enfants que tu vous as dit que j'ai fait travailler, qu'on voit qu'ils sont en envie de vivre, de dire tout ce qu'ils sont gardés pendant des années à l'intérieur. C'est un peu ça. Comment imaginez-vous elle à travers sa peinture, sa Mitchell? Elle, une personne. Terriblement sensible, terriblement humaine. Et en douleur, quelque chose. Une douleur. À l'intérieur aussi. Et qui, à la fin, s'est transformé en paix. Et qu'à la fin, il a trouvé vraiment ce qu'il cherchait. souvent eu le sentiment qu'elle avait une sorte de don visuel que n'ont pas les gens qui parlent. Yves Michaud. Ça serait lié à des réflexions sur une sorte de affection optique chez certains peintres. Dans le temps, Simon Taille me disait des choses du même ordre. C'est vrai qu'il y a certains peintres qui voient plus qu'ils ne parlent et qu'ils ne pensent. C'était le cas de Joan Michel. Donc elle ne parlait jamais directement de la peinture. C'est pour ça aussi que moi, je ne tiens pas à vous dire il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du vert, il y a des petites coulures, il y a des drippings et tout ça. Bon, ça, oui, on le voit, on le sait. Et alors ? Donc extrêmement visuel. En revanche, quand elle parlait à côté. Mm-hmm. Alors, soit elle parlait à côté en parlant de rien du tout d'intéressant, des chiens, de la bonne, des impôts, du pape de Jean-Paul II et de Reagan. Soit elle parlait, mais elle parlait d'autre chose, dont on peut parler en langage. Elle parlait de poésie, de littérature un peu, de sentiments, de paysages. Jamais de philosophie, parce qu'aucune chose vraiment conceptuelle, et ça, je crois que c'était lié à son affection optique, aucune chose conceptuelle ne lui était vraiment familière. Elle avait énormément de mal à suivre un raisonnement un peu abstrait, ou même minimalement abstrait. Alors c'est vrai que les moments de réelle entente que j'ai eu avec elle étaient sur deux plans. C'était d'une part visuellement pour la peinture, ça c'est vrai. Mais là, il n'y avait pas besoin tellement de parler. Elle montrait les tableaux, on les voyait en cours, les uns à la suite des autres. Je voyais ou je ne voyais pas, elle voyait mieux sûrement. Et, vous l'avez vu peindre dans son atelier ? Peindre jamais, mais j'ai vu. Il n'y a pas un des tableaux, sauf le dernier tableau, il n'y a pas un des tableaux du jeu de paume ici de cette exposition que je n'ai vu au moment où il était fait, où il avait été fini dans son atelier. Donc j'ai suivi de très près, plus ceux qui ne sont pas à l'exposition, bien sûr. Et puis, l'autre type d'entente, c'est sur la littérature. Parce qu'il se trouve que, bizarrement, bien que je sois philosophe, donc un homme de raisonnement abstrait, mais c'est peut-être ce qui expliquait la rencontre sur la peinture, on avait les mêmes prédilections pour un certain nombre de textes. Pas pour tous, hein, loin de là. Parce que, par exemple, elle lisait beaucoup de romans policiers, ce que je ne lis absolument pas. Mais c'était pour se laver la tête et fermer les yeux quand elle en avait marre de regarder, puisqu'elle regardait beaucoup. Mmh. Et puis, en revanche, elle lisait des poètes. Alors, les premiers poètes sur lesquels on sait, qu'elle connaissait depuis bien, bien longtemps, mais enfin, c'était des rencontres communes, c'était Wordsworth, par exemple, le poète romantique anglais. Mmh. C'est vrai que c'était un poète qui pour elle comptait, qui pour moi comptait aussi. Qu'elle connaissait depuis longtemps. Connaissait bien, oui, bon, sa mère était poète, et puis elle avait eu une très bonne éducation de jeune fille américaine, versée dans les arts. Les humanités. Mm-hmm. Bon, il y a Wordsworth, il y a Gerard Manley Hopkins, qu'elle lisait beaucoup à la fin de sa vie. Je ne prétends pas tout connaître. Il y avait Rilke, Les Lettres sur Cézanne. T.S. Eliot. Eliot, oui, mais ça, on n'en a pas parlé beaucoup de Eliot. Je pense que c'était chez elle quelque chose de plus ancien, plus lié à une phase de sa vie. Mm-hmm. Moi, je parle d'en partir de 84. Et puis, alors, les deux textes qui étaient très importants, c'était Hofmannsthal, La Lettre de Lord Chandos. Mm-hmm. Je crois bien d'ailleurs que c'est moi qui le lui a fait découvrir. Et L'énigme de l'arrivée de V.S. Naipaul. Moi, il se trouve que j'avais découvert Naipaul tardivement, en lisant des romans de V.S. Naipaul. Et c'est elle qui m'a fait découvrir, à travers deux livraisons du New Yorker, des fragments de L'énigme de l'arrivée, que je trouve effectivement un livre absolument fabuleux. Mm-hmm. Et je dirais que dans le type de rapport qu'elle avait à la peinture, ça voulait dire quelque chose. C'est-à-dire que en littérature, en poésie, il y avait une sorte de présence. Une poésie de la présence ordinaire, qui était un peu, je crois, la sorte de présence intense qu'elle avait avec les paysages. Donc c'est ça qui nourrissait beaucoup, beaucoup de, disons, d'échanges. Hein. C'est pas plus, mais... Mais très réel. Je crois que c'était des textes sur lesquels on se retrouvait et qui expliquaient pourquoi on se retrouvait aussi sur la peinture. Mmh. Ce texte, d'ailleurs, L'énigme de l'arrivée, elle dit dans un entretien avec vous que c'est vraiment son texte préféré, qu'elle le relit et qu'elle y trouve des sortes de variations comme on trouve dans Monteverdi, qu'elle, visiblement, elle aimait beaucoup aussi. Alors là, elle aimait plus la musique que moi. Moi, je ne suis pas un grand connaisseur en musique, donc je la suivais moins sur ce terrain. Non, en revanche, ce qu'elle me disait de tout à fait intéressant concernant l'énigme de l'arrivée, c'est qu'effectivement, c'était un texte beaucoup plus technique et formaliste qu'il en avait l'air. Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être du récit, le récit d'une saison passée par quelqu'un qui s'installe vers Oxford ou quelque chose comme ça, et qui est un étranger d'origine exotique et qui arrive et qui découvre la campagne anglaise, la boue, la neige, les lapins, les voisins, etc. Et en même temps, c'est vrai que c'était un apprentissage de la fabrication de la langue. Donc c'était un texte assez sophistiqué, finalement. Mais comme tous les textes de Naipaul, puisqu'on dit que Naipaul est quelqu'un qui, comme vous savez, c'est un Jamaïcain d'origine indienne qui, à l'intérieur de la langue anglaise, s'est trouvé une langue maternelle, une langue qui n'est pas la sienne, en fait. Donc je crois qu'il a pas son équivalent pour à la fois écrire un anglais super, mais en même temps écrire mal un anglais, quelquefois d'immigré. Il joue sur les deux gammes. Continuellement, il est étranger dans sa langue. Alors je pense que ça devait frapper aussi Joan Mitchell, parce qu'elle avait d'une certaine manière, elle était étrangère dans la langue. Ça se voit un peu dans les entretiens qui ont été faits, parce que visiblement, elle n'était pas à l'aise avec les mots. Les quatre premiers jours, il plut. Je voyais à peine où j'étais. Puis la pluie s'arrêta, et par-delà la pelouse et les dépendances que j'avais devant mon pavillon, je découvris des champs avec des arbres dénudés qui en marquaient les limites. Et, dans le lointain modulé par la lumière, les luisances d'une petite rivière. Luisances qui donnaient curieusement l'impression parfois de se situer au-dessus du niveau de la terre. La rivière se nommait Leven. Ce n'était pas Leven qu'on associait à Shakespeare. Plus tard, quand la terre eut pris plus de sens, quand elle eut absorbé une plus grande part de ma vie que la rue où j'avais grandi sous les tropiques, je fus en mesure de donner mentalement aux champs plats et mouillés le nom de pré-noyé ou prairie humide. Et aux collines peu élevées, aux formes douces que j'avais à l'arrière-plan, le nom de Downs ou Coteau. Mais pour le moment, après la pluie, tout ce que je voyais, malgré les 20 années que je venais déjà de passer en Angleterre, c'était des champs plats et une rivière étroite. L'énigme de l'arrivée, V.S. Naipaul. Vous pensez que la poésie avait plus d'importance pour elle que le travail des autres peintres, que c'était peut-être de ça dont elle se nourrissait le plus? Écoutez, je n'ai pas été son confident, mais je peux vous dire que je serais tenté de dire oui. Ses proches ont été des poètes, des écrivains, Frank O'Hara, John Ashbery. On pourrait en citer d'autres. Je me souviens d'avoir organisé, il y a pas mal d'années, il y avait, je sais pas, 20 ans de ça, une exposition dans une petite galerie à Paris, une exposition d'un mur de petites œuvres sur papier, pastel. C'était des poèmes de gens qui écrivaient de la poésie, de ses amis. Alors, elle ne disait rien, elle aimait un poème qu'elle trouvait de cet auteur, elle prenait sa machine à écrire, elle le copiait à sa manière sur la grande feuille, un beau papier, ensuite elle prenait ses pastels et elle faisait un ensemble qui unifiait littéralement le texte et l'image. Elle considérait que pour parler dire les tableaux, il n'y avait qu'une langue qui soit acceptable, qui était le poème. Et elle a souvent dit, elle a dit à d'autres, que la langue, enfin que la poésie, l'expression poétique lui semblait la seule habilité, non pas à rendre compte du tableau, car il était évident qu'elle ne pourrait pas en rendre compte dans sa totalité, mais à s'approcher autant que possible de la substance du tableau. Donc vous pouvez imaginer qu'entre cela, et d'ailleurs elle était, et sa culture qui était aussi bien une culture littéraire très vaste, qui était nourrie de poésie, et en particulier bien sûr de poésie anglaise et américaine, entre cela, cette exigence, et la prose journalistique habituelle, la distance, que ce soit en qualité ou en précision ou en acuité, lui paraissait telle qu'elle ne pouvait pas ne pas être extrêmement méfiante. Elle savait... Si elle ne savait pas comment parler de ses tableaux, car elle-même en parlait très peu, elle éprouvait très intensément ce qu'il peut y avoir d'excessif, de maladroit, dans un discours, dans une phrase prononcée à propos d'une de ses œuvres. Mmh. C'était d'ailleurs l'une des difficultés extrêmes du dialogue avec elle sur sa peinture, c'est que si la question, dans sa formulation même, ne lui paraissait pas juste, immédiatement, les choses se compliquaient terriblement et on en arrivait vite à une situation de silence, de mutisme. Parce qu'elle y voyait l'indice d'un regard trop rapide, d'un jugement approximatif. Et l'exigence qu'elle avait en elle était tellement haute qu'elle ne pouvait évidemment pas supporter ce genre d'imperfection. Lorsqu'on voulait l'interroger sur pourquoi elle peignait, elle disait « Ah, mais vous posez des questions, vous posez toujours des questions. Vous êtes français, vous êtes cartésien, il faut toujours expliquer A plus B, B plus C, tout ça. » Alors elle me disait « Oh, mais bon, vous savez, moi, l'explication que je peux vous donner, moi, je suis une Indienne. » Et alors elle répondait « Ah, vous me posez une question ?» Elle répondait « comme un Indien en se frappant sur la bouche et en faisant... C'est-à-dire qu'elle refusait exactement de... Elle disait, moi, si je savais parler, je parlerais, mais puisque je sais peindre, je peins. Et elle s'en tenait là, c'était des façons de ne pas répondre. Jacques Bouzerand, à la galerie du Jeu de Paume. Et là aussi, on voit ses griffures, ses coulures, ses... C'est pas de la peinture léchée, c'est pas de la peinture de chevalet, hein. On est dans la peinture qui est... presque, on a l'expression du corps, hein. On est déjà passé, Jackson Pollock est passé par là, on est dans un univers de peinture où l'explosion du corps est de la... On ne se contraint pas, puisque la peinture est la fin des choses ici. Hein, on n'est pas en train de savoir comment il faut faire joli, on fait fort, on fait ce qu'on veut, mais on le fait avec ses tripes, hein. On s'éclate sur le tableau. Et l'expression s'éclater, c'est ça, quoi. On est là, on est dans l'explosion de la personnalité, de la sensibilité. C'est pas mièvre, hein, c'est tout sauf mièvre, c'est tout sauf petit. On se moque des attitudes, on se moque du quand dira-t-on. On est devant soi-même et on n'hésite pas à dire ce qu'on pense et ce qu'on veut. John Mitchell n'hésitait pas, d'ailleurs, il n'était pas quelqu'un à mâcher ses mots. Elle pouvait être très vive et très persifleuse ou très forte quand elle avait quelque chose à dire. Et y compris sur la toile. Et heureusement qu'elle le disait sur la toile, parce que là, c'est là qu'on a vraiment la trace éternelle qu'elle a laissée de cette personnalité forte. Là, ça reste... S'il y a quelque chose à dire sur une esthétique nouvelle qui serait celle des années 60 plutôt que celle des années 50, c'est qu'on semble aujourd'hui sentir chez divers peintres qui sont arrivés à un espace qui serait capable de contenir également le drame personnel et la présence physique du monde extérieur. Cela se remarque par exemple dans la qualité de leur lumière. Je crois qu'il y a quelque chose à dire sur, par exemple, la qualité de la lumière. Il y a des lumières qui sont, si vous voulez, intérieures, qui se rapprochent d'une lumière artificielle comme celle de l'électricité. En fait, je me suis aperçu qu'un tableau expressionniste réagit bien à la lumière électrique, alors qu'il est difficile de voir un Cézanne ou un Monet ailleurs que dans la lumière naturelle. Eh bien, un tableau de Joan Mitchell me semble se trouver dans un domaine très curieux, hybride. On a l'impression qu'une ampoule électrique brille en plein jour. Pierre Schneider. En fait, elle a toujours travaillé entre deux pôles. L'un intensément subjectif et l'autre objectif, mettons, entre le moi et le monde extérieur. Le monde extérieur pouvait être un événement, pouvait être un arbre. D'ailleurs, il n'y avait pour elle que des événements qui la frappaient, l'émouvaient, et c'est cela que j'appelle l'extérieur. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces années, dans les années 50, même avant qu'elle fût arrivée à Paris, et puis pendant pas mal d'années ensuite, ce qui a dominé dans cette navette entre ces deux pôles inconciliables, c'était la nuit intérieure. Et dont elle cherchait à s'échapper, qu'elle cherchait à objectiver. Dans les années récentes, surtout ces dernières années, c'est plutôt le pôle extérieur, et en particulier le paysage, la nature en tout cas, qui est une lumière diurne qui s'est imposée. Je ne sais pas si, dans sa jeunesse par exemple, je sais qu'elle peignait beaucoup la nuit. Et non pas, donc à la lumière électrique, non pas qu'elle cherchait à avoir une lumière artificielle comme l'est la lumière électrique, elle disait qu'elle l'avait tellement pratiquée qu'elle compensait les changements introduits par la lumière électrique pour qu'on ne s'en aperçoive pas. Et c'est vrai d'ailleurs. En revanche, ce que la nuit lui permettait, c'était cette espèce d'être seule avec elle-même, une sorte de... elle écoutait les voix intérieures, alors que on a quand même l'impression dans les années récentes que ce n'est pas grave. Je regrette d'ailleurs un peu que dans cette exposition, on ait coupé les 10 dernières années de son parcours antérieur. Parce que ce qui compte chez elle plus que la réussite de tel ou tel tableau, pour moi, c'est le fait qu'elle est constamment en train d'essayer de réconcilier des choses qui sont apparemment inconciliables, le moi et le monde. Ce n'est pas pour rien qu'elle, en s'installant en France, elle n'est pas devenue française, c'est une Américaine en France. Elle n'est pas devenue une sorte de disciple de Monet en s'installant dans sa maison, elle est devenue Joan Mitchell chez Monet. Il y a une tension, il y a un abîme qu'elle passe son temps à essayer de traverser et de retraverser. C'est cette navette qui est intéressante dans son œuvre, avec des succès ou des insuccès divers. Les insuccès étant aussi merveilleux pour moi que les succès. Si vous voulez, nous sommes ici dans une salle où vous avez des tableaux qui sont absolument péremptoires. On ne se pose plus de questions. Ils doivent être comme ça. Il n'empêche que quand vous regardez à côté, il y a un tableau dont vous savez que il est au bord du précipice et même un peu au-delà. The process of painting. In 55, Irving Sandler did meet Joan Mitchell paints a picture. I was having a leading a messy life. New York, East Hampton, arty. I was depressed. I didn't feel like painting. I thought, my God, and I don't want to make a violent horror. I had to think of something happy and someone I loved. So I thought of George. Barney, my ex-husband, gave me George as his replacement. There he is at Barnes Hole. There we are. And I thought, George at Barnes Hole, and it was so beautiful and sunny. And Rudy Burkhardt would leave his camera there and I would snap it as the painting developed. J'aime ces tableaux, encore une fois, où elle frôle le désastre, où elle se rétablit au dernier moment. Là, elle est un peintre tellement grandiose, quelque part, pour moi, que ce n'est pas qu'elle soit réconciliée, mais que son métier surplombe tout, devient solaire. C'est un peu, enfin, si vous pensez à Matisse, par exemple, elle évolue vers quelque chose qui serait comparable à la simplification intense de couleurs et de lumière des papiers découpés et des gouaches découpées. Si elle est passée par Matisse, j'aurais quand même une certaine tendance à penser que c'était plutôt pour elle un moyen de remonter à Cézanne, plutôt qu'une fin en soi, plutôt qu'une référence en soi. Mm-hmm. Plutôt un passage qu'un but. Mm-hmm. Ce qui reviendrait à dire peut-être que finalement ce qu'elle recherchait à travers sa peinture et qui faisait peut-être aussi qu'elle pouvait en parler que de manière poétique ou par symbole, c'était une intensité émotionnelle et c'était une qualité poétique justement. Il y a un mot qui est un mot plus, somme toute plus simple, qui est un mot du vocabulaire cézannien qui ne l'était pas, qui ne lui déplaisait pas, qui est le mot sensation. Cézanne disait chercher la petite sensation, et je crois que Mitchell a souvent cherché, souvent trouvé d'ailleurs, des sensations qui n'étaient pas toutes petites, pas plus d'ailleurs que celles de Cézanne, qui étaient des sensations d'espace, de paysage, de lumière, de pluie, de mouvement dans l'air, sur l'eau, etc. Mais aucun de ces tableaux ne me semble pouvoir se détacher de cette notion-là. C'est une peinture qui est très clairement reliée, enfin, en connivence avec la nature, avec les spectacles de la nature, et qui s'efforce de les analyser, ou non pas de les représenter, non pas même de les transcrire, mais d'en abstraire quelque chose d'essentiel par le moyen de la peinture. Dans la rétrospective, et en particulier dans la partie historique qui est celle de Nantes, du Musée des Beaux-Arts de Nantes, en revoyant tous ces tableaux que j'ai vus bien souvent dispersés, que pour certains j'ai vus dans son atelier, enfin, ou chez elle, qu'elle avait songé à garder, j'étais très frappé de voir précisément à quel point il était très difficile de voir un de ces tableaux sans le rapporter à une de ces sensations, mais qui peuvent être aussi bien des sensations physiques. Dans le choix du format du tableau, il y aurait beaucoup de choses à dire. Soit que vous ayez affaire chez elle, ils sont souvent d'ailleurs très réussis, à des petits tableaux organisés en polyptyque quelquefois ou en frise, qui ont beaucoup à voir avec un panorama et qui ont souvent beaucoup à voir avec la chose vue de loin, la chose qui s'éloigne. La petitesse du format étant plus ou moins raccordé à cette idée d'éloignement, de diminution avec la perspective. Et ce sont des perspectives, il suffisait d'aller à Vétheuil pour s'en rendre compte, de champs, de peupleraies, ou de ciel. Confrontés à des tableaux qui sont des tableaux à l'inverse de très grand format, au-delà du tableau, au-delà de la dimension du corps, et qui sont des tableaux véritablement faits à l'inverse pour qu'on y entre, pour qu'on y pénètre, ou qui absorbent le spectateur. C'est-à-dire que vous avez je ne sais pas si l'on peut dire une dialectique, mais en tout cas une alternance entre des vues de loin où l'objet est délibérément mis à distance et par là même diminué, et des tableaux qui sont des tableaux dans lesquels véritablement on peut entrer comme dans une maison. Il y a un polyptyque à Nantes que je ne connaissais pas, me semble-t-il, un grand polyptyque dominant de bleu et de blanc. Si vous avez la patience, il y a un banc devant, de vous asseoir et de le regarder, le sentiment d'absorption à l'intérieur de l'espace de la toile est extraordinairement violent, extraordinairement efficace. Mais ce sont deux manières de comprendre la sensation en peinture. Ce qui m'excite quand je peins, c'est ce qu'une couleur fait à une autre et ce qu'elles font toutes les deux en termes d'espace et d'interaction. Je ne suis pas excitée par une idée. J'ai des sentiments qui me viennent de l'extérieur et je suis émue par les couleurs mises ensemble, sur une surface plane. Et cette sensation visuelle, tu peux la décrire ? Je peux dire simplement que je prends mon plaisir à ce qui arrive visuellement. Si ça ne marche pas visuellement, je me sens découragée. Tu dois avoir du mal à comprendre ce que je dis, car, comme pour beaucoup de personnes, pour toi, l'émotion est séparée du visuel. Tu es plus intéressée par les choses intellectuelles. En 1984, quand j'ai peint les peintures de la série La Grande Vallée, j'étais totalement prise par la chose visuelle. Je n'avais jamais vu ce lieu appelé La Grande Vallée, mais je l'imaginais. Pour prendre un autre exemple, j'ai fait un pastel, et de ce pastel, j'ai fait 3, 4, 5 peintures. J'aimais ce pastel, j'aimais la ligne rouge en lui. Qu'est-ce qui m'émouvait ? Et moi, je l'ai connue à une époque un petit peu dure dans sa vie. Elle venait de se séparer de Riopel, donc c'est quand je l'ai rencontrée, donc c'était un petit peu difficile. Elle avait une amertume absolument incroyable. Et par rapport aux hommes ? Par rapport aux hommes, par rapport à la vie, et puis surtout par rapport aux hommes, quoi. Elle se retrouvait un petit peu seule, quand même. Et j'ai toujours été totalement fascinée par la façon agressive et parfois carrément méchante qu'elle avait d'agir dans la vie, et cette façon de toujours avoir de se lever tard, d'avoir des lunettes de soleil, et cette peinture la nuit, et quand on voyait le travail après, c'était totalement éblouissant. On a eu des séances où, encore une fois, on ne parlait pas peinture toutes les deux, hein, on parlait n'importe quoi, sujet de n'importe quoi, mais pas de peinture. Et il y avait régulièrement, on montait dans l'atelier et elle s'asseyait. Et on était assis au milieu de tous ces pots de peinture qu'elle mettait dans ces boîtes de conserve de ses chiens, là, ces fameux pots Loyal qu'on voit partout autour sur les photos. On s'asseyait sur un canapé qui était encore plus défoncé que le canapé des chiens. Et elle était assise, passait les tableaux, les sortait pour les montrer. Ou elle venait à côté de nous, elle disait, tiens, me montre celui-là. Il faut bien voir que ces grands polyptiques, elle ne les a jamais vus, par exemple, les grands polyptiques avec quatre tableaux, elle les a jamais vus, elle les a pas fait les quatre les uns à côté des autres. Et alors on avait une vision, les diptyques et tout, ils étaient toujours un peu de guingois, ils étaient jamais bien mis droit, etc. Et c'était éblouissant, c'était même éblouissant pour quelqu'un comme moi qui était à l'époque encore plus ignare qu'aujourd'hui sur l'art contemporain. Il y avait un jaillissement de couleurs et de gaieté et de force. C'est ce que je retiens le plus de ces tableaux, c'est et la gaieté et la force incroyable, parce que c'était une femme très forte. Mm-hmm. Et ça, c'est des souvenirs inoubliables quand même. Mm-hmm. Alors, pour qui peins-tu ? Je crois que je peins pour moi et mes chiens. Nous sommes dans l'atelier et ils regardent. J'ai dit que la peinture n'est pas le mouvement et ce n'est pas dans le temps. Je crois que tout attachement de quelque sorte qu'il soit est pour oublier qu'on n'est pas vivant. La peinture est une de ces choses. Je suis vivante, nous sommes vivants, nous ne savons pas ce qui va venir ensuite. J'ai peur de la mort. L'abandon, c'est aussi la mort. Je veux dire, quelqu'un part et les autres gens aussi partent. Je ne dis jamais au revoir aux gens. Quelqu'un vient dîner et puis il part. Ça me rend très nerveuse. Parce que le moment du départ est le plus mauvais moment. Souvent dans ma tête, les gens sont partis avant même d'être venus. Je suppose que c'est la raison pour laquelle chacun est reproduit dans mon album photographique imaginaire. Les chiens, c'était certainement... Philippe Piguet. Pour elle, les êtres capables de la fidélité la plus totale. Et c'est eux qui réglaient l'existence de John. Au point... Qu'elle était obligée de faire venir sur place à Vétheuil ce qu'elle appelait les dog-sitters. Il y a les baby-sitters, mais John, c'était les dog-sitters. Et ces dog-sitters, c'était souvent de jeunes Américains qui voulaient venir en France, donc qui trouvaient une façon finalement merveilleuse et confortable de séjourner chez John Mitchell. Ils y apprenaient beaucoup d'autres choses que simplement de garder des chiens. Mais c'est vrai que ça permettait à John, si elle avait besoin de partir pour un voyage, ou quand elle allait à Paris, car elle y venait assez souvent, pas de pas avoir à s'occuper de qu'est-ce que je vais faire des chiens, etc. Et est-ce que vous l'avez déjà vu peindre? Est-ce que vous avez été dans son atelier au moment? J'ai été un chien, oui. C'était non, pas ma question. J'entends bien, mais je veux bien, pour John Mitchell, me confondre à la bête. Oui, on montait à l'atelier avec John Mitchell et ses chiens. Et les chiens, c'est vrai, étaient toujours présents là. Oui, j'ai eu l'occasion de voir John Mitchell peindre, mais c'est une occasion qui est très furtive. Il s'agissait surtout pour elle, je me souviens très bien, en fait, de procéder à l'achèvement d'un tableau qu'elle avait en train, et c'était impératif, je ne sais plus pour quelle considération, peut-être de mélange de couleurs ou de séchage de pigments, je ne sais plus très bien. Et je me souviens que je l'ai vu tout d'un coup, et un peu à ma surprise, prendre des brosses et se mettre au travail. Ça a duré à peu près une demi-heure, et ça doit être la seule fois de ma vie où j'ai vu John Mitchell peindre sur les 50 nuits entières passées à l'atelier. Elle a pu travailler peut-être devant des amis, qui étaient ses amis privés, si vous voulez. J'étais bien un ami privé, mais enfin, nous avions des positions à la fois proches et un peu distantes les uns l'un de l'autre. Même si on se téléphonait tous les jours, c'est pas ça. Mais moi, je n'ai jamais... Et ça m'aurait paru comme une sorte d'indiscrétion. Je n'ai jamais vu peindre un des peintres que j'ai connus au long de ma vie. Et je n'ai jamais cherché à le voir. Ça me paraîtrait pas convenable. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque nous montions à l'atelier et que nous y montions généralement vers 11h minuit dans la nuit noire, c'était pour aller y passer toute la nuit. Et la nuit se passait parfois difficilement parce qu'il fallait tenir le choc de la nuit blanche. Parce qu'il fallait aussi tenir le choc, il faut bien le dire, de la quantité d'alcool ingurgité. Et de ce point de vue-là, elle était une personnalité rare aussi. Et il fallait suivre, je dirais, où on était dedans. Donc on suivait. Vous imaginez la manière dont on sortait le lendemain matin. Non pas sous, mais bon... Épuisé, en fait. Épuisé parce que on avait parlé, parce qu'on avait vu de la peinture, parce que John Mitchell me montrait les tableaux. Épuisé parce qu'on avait bien bu, c'est vrai. Mais cependant, rien n'était plus fabuleux que le matin vers 7h, 8h parfois, la lumière commençant à se lever sur la scène, avec tout ce qu'on peut imaginer des brumes matinales qui ne sont pas encore levées et qui sont en suspension comme ça au-dessus de la scène. C'était magnifique. Et c'est intéressant comment, au bout du compte, chaque fois que je pense personnellement à John Mitchell et que je me rappelle ses humeurs, irrésistiblement, je suis renvoyé soit sur la vue de la scène, soit sur un tilleul mort, parce qu'elle m'avait particulièrement indiqué cet arbre, compte tenu qu'elle traversait un moment qui était pour elle aussi très très douloureux. Oh, oh, oh, oh, oh, I ain't going down, I ain't going down, oh, honey, to the well no more. Oh, and I ain't got nothing. Oh, and I can't stand nothing. Oh, I ain't going down, I ain't going down. Oh, sweet mama to the well no more. Oh, you said you was a true believer. I'm the true believer. I'm the true believer. Oh, I ain't going down, I ain't going down. Oh, mama to the well no more. Oh. Effectivement, j'étais en train de regarder. On a l'impression de se retrouver dans un paysage de fleurs. Enfin, constamment, on a l'impression qu'elle travaille beaucoup le végétal, en fait. C'est extrêmement violent. C'est ce qui m'intéressait aussi. Enfin, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais on a l'impression d'être plongée dans son jardin de Véteuil, en fait. Mm-hmm. Parce que ça, c'est quelle période? C'est la période dite de la Grande Vallée. Oui, donc elle était aux États-Unis ou elle était à Véteuil? Elle était à Véteuil. Ben voilà, c'est parce que on a l'impression qu'à chaque fois, elle a peint un petit microcosme de jardin, enfin une espèce d'impression. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur un format énorme et c'est d'une violence. C'est splendide. Oui. Mais de toute façon, tout est gigantesque. Si vous peignez, vous savez que déjà, pour avoir des genres de format, il faut... Justement, je me posais la question de savoir comment elle peignait. Si vous savez, vous, avec des échelles? Oui, je crois qu'elle montait sur une échelle. Voilà, ouais, c'est ouais. Ça. Hein. Mmh. Mais enfin, moi, ce que je perçois d'elle, c'est que c'est quand même très compact dans chacun des microcosmes étudiés, en fait. On a l'impression qu'elle veut figer une impression... Mais en même temps, ça reste violent, tout en travaillant dans le végétal. Enfin, c'est un peu paradoxal, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Mais là encore, c'est très subjectif, et c'est vraiment pas un discours de critique. Je me trompe? Non, pas du tout. Il me semble qu'elle est très intéressée par le végétal, et entre autres aussi par les fleurs. Mm-hmm. J'ai vu comme ça des iris, mais avec des formes qui sont bien sûr complètement abstraites. Mm-hmm. Et en même temps, on a l'impression d'être dans le jardin, vous voyez? Enfin... Mm-hmm. C'est bête ce que je raconte d'ailleurs. Je trouve ça. C'est difficile de parler de la peinture. C'est difficile, hein, c'est pas. Je me souviens très bien quand on rentrait dans le salon, qui était la première pièce à laquelle on avait accès, en passant par la terrasse avec cet extraordinaire tilleul qu'elle a peint sous toutes ses coutures. On rentrait dans la maison et ce salon, il y avait une cheminée, très grande cheminée, et au-dessus de la cheminée, il y avait un énorme œil de bœuf, et les conduits de la fumée passaient autour de la fenêtre. Et pour moi, c'était peut-être mon côté décoration de l'époque, j'en sais rien, mais j'avais été totalement subjuguée par cette très belle cheminée surmontée d'une fenêtre. C'est rare, quoi, d'habitude, il y a le conduit au-dessus de la cheminée, et donc un grand billard. Et puis la salle à manger était dans la tour, c'est-à-dire que la salle à manger était une pièce ronde, mais on y était finalement assez peu. Et puis elle avait sa chambre à cet étage-là, et puis une autre pièce où on se tenait le plus souvent, et la cuisine, et on montait un petit chemin, on arrivait à l'atelier. Mmh. Et c'était un très beau jardin. Dans le jardin, il y avait un magnifique potager. À l'époque où j'y étais, il était encore très bien tenu. Et puis il y avait un étage avec les chambres et la pièce de télévision. Et dans la chambre où moi je dormais, qui était sa chambre avant, qu'elle avait abandonnée à l'époque où je l'ai connue, parce qu'il y avait un escalier et qu'elle avait quand même des problèmes de hanches déjà. Ouais. Dans la chambre où j'étais, les murs, il n'y avait pas 2 cm² de vide. Je crois qu'à l'époque, elle avait mis absolument tous les tableaux de Riopelle dans cette chambre. On appelait ça le mausolée. On avait absolument l'impression de dormir dans un mausolée. Il n'y avait pas 3 cm² de murs blancs. Et c'était que des tableaux de Riopelle de la période merveilleuse. Riopelle qu'elle ne voyait plus du tout après. Ah non, moi, quand j'ai connu Joan, ils venaient de se séparer. Et moi, j'ai connu très bien Jean-Paul par ailleurs, puisqu'il était resté dans la région. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et d'aller le voir au Canada, etc. Mais... moi, toutes les années où j'ai connu Joan, ils ne se sont pas revus. Je pense que leur relation était difficile à la fin de ce qu'on a pu me raconter. Mais moi, quand je l'ai connue, c'était quand même une femme très seule. Mm-hmm. Sur ce plan personnel, affectif, quand même très très seule. Est-ce que vous aviez parlé de Jean-Paul Riopel et de la... Non pas de l'homme, mais du peintre et de sa peinture? Non. On parlait plus du... Sa peinture, curieusement, non. Elle parlait plus de l'homme, éventuellement. Moi, ma conviction, c'est qu'il lui a beaucoup apporté en termes, justement, de colorisme. Elle n'était pas... Je soutiens toujours qu'elle n'était pas coloriste quand elle était dans sa période américaine et qu'elle est devenue en Europe. Alors, il y a eu l'influence de Riopel et probablement aussi l'influence de... Et surtout l'influence du paysage. Lui, il a un sentiment de la nature très fort. Moi, je pense qu'en fait, c'est ça qui lui a, qui lui a ouvert, c'est le sentiment de la nature, oui. Lui, c'est un homme de, c'est un homme des bois, hein, et je crois que le sentiment de la nature qu'il avait a beaucoup compté pour John Mitchell. Peut-être même tout simplement, il lui a fait connaître le sentiment de la nature. Elle n'était pas passive face à la nature. C'est vraiment une ça ramènerait à Wordsworth. C'est un tempérament lyrique, c'est-à-dire c'est la mise en phase et en accord entre des expériences de la nature et des états d'âme. Hein, en fait, elle était très romantique, on pourrait dire. Ouais. Vous diriez ça? Oui, je crois. Oui, sûrement. Vous croyez que ça lui aurait plu? Non, sûrement pas. Mais d'abord, on n'est pas obligé de toujours dire. Mais je pense qu'elle était très romantique, oui, sûrement. John, tu me parais avoir une drôle d'attitude par rapport aux mots et au langage. Tu veux toujours avoir des définitions claires et précises. Et tu dis aussi que nous faisons un tellement mauvais usage de la communication. Mais... tu te définis aussi sans cesse comme visuel. Alors, qu'est-ce que tu as comme soupçon envers les mots? Je n'ai pas été habituée aux mots, mais je suis littérale. Si tu penses bleu, mets du bleu, et c'est tout. Si tu dis sky, ça signifie ciel. Moi, je vois d'abord S-K-Y. S est plutôt blanc, K est rouge, Y est ocre jaune. Le ciel, pour moi, est le mélange de ces couleurs. Bon, je suis perdu. Je ne sais pas, c'est ainsi. Et est vert, bi est bleu-gris, si est jaune, et ainsi de suite. Ça a toujours été ainsi pour moi. C'est la manière dont je l'ai imaginé quand j'ai appris enfant l'alphabet. J'imaginais tout en couleurs. Voilà pourquoi je n'aime pas tellement le français. Le ciel ne ressemble certainement à aucun de mes skies avec leur rouge, gris, bleu et jaune. Ce qui m'a le plus surpris, ce que j'ai le, quand j'ai revu tous ces tableaux, c'est le caractère extrêmement charnel et physique d'un certain nombre de tableaux. Il y a en particulier, je crois que c'est à Nantes, quelques tableaux qui sont construits sur des rapports quasiment systématiques de vert et de rouge. Philippe Dagen. Bon. Qui sont la primaire et sa complémentaire associée, c'est donc la chose la plus bête du monde. Apparemment, si ce n'est que mettre ensemble des verts et des rouges, c'est pas si facile. Il suffit de regarder l'histoire de la peinture pour se rendre compte que même quelqu'un comme Corot n'en usait qu'avec beaucoup de précautions. Et quand vous regardez, là c'est vraiment fait pour être regardé de très près, c'est presque fait pour être touché. Regardez la manière dont les verts et les rouges s'entremêlent, avec des passages par-dessus, des passages par-dessous, des espèces de filaments qui se détachent, des émulsions qui se sont produites à la surface de la peinture. Tout cela ne peut pas ne pas se lire avec des équivalents physiques, des équivalents corporels très forts. Et quand je parlais de sensations, je pensais aussi à ça, c'est-à-dire cette capacité, si l'on peut dire, d'entrer dans la matière et de sentir en la circonstance qu'est-ce que c'était ces verts et ces rouges. Je n'en sais rien, ça n'a d'ailleurs aucune importance. C'était quoi? C'était des jardins de Vétheuil ou pas de Vétheuil? C'était des feuillages ou c'était peut-être un état personnel particulier? Mais tout cela est sur la toile avec une telle, à la fois une telle abondance et une telle suavité dans les rapports que oui, qu'il y a à ce moment-là une sorte de plaisir, qui est un plaisir presque de la sensualité de l'œil qu'elle arrive à provoquer. round. Joan était très exacte. Elle voulait être exacte en tout. Et dans son travail et dans son engagement de faire une exposition, quand l'exposition de 90 s'est achevée, je lui ai dit que j'avais la vérité, que j'avais été très fier de pouvoir faire cette exposition et que nous nous retrouverions en 92, si elle voulait bien. Alors elle dit à 92. Et les choses se passaient généralement sur ce mode. Et quand elle proposait l'exposition de 92, elle pouvait dire il y aura tant de diptyques, tant de singles, tant de petits et tant de ronds, par exemple. Mm-hmm. Et dans le courant de l'année, je lui demandais où en est votre travail. Ça va très mal, disait-elle, ça va très très mal. Mais je voudrais bien, mais ça. Et généralement, l'hiver, elle était pour elle une période de grand travail, aussi bien le jour que la nuit. Mais quelquefois, les choses n'avançaient pas. Et même quand ça n'avançait pas, comme vous dites, elle travaillait tous les jours ? Presque tous les jours, oui. Presque. Mais elle avait. Enfin, elle avait des misères, mais ça, c'était des. Elle connaissait son temps. Alors, elle faisait en sorte que son engagement soit absolument tenu à la date. Et je n'ai jamais vu qu'elle soit en retard pour une exposition en France ou en Amérique. C'était important pour elle qu'on lui achète des œuvres. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle ne dépendait pas de ses ventes pour sa vie quotidienne. Pour elle, quelqu'un qui achetait une œuvre s'engageait et prouvait qu'il était réellement sensible à son œuvre. Car il faut dégager les acquisitions. Nous n'allons pas rentrer dans le folklore des prix, parce que nous n'en sortirions pas. Mais il faut bien dire que des gens ont acheté des tableaux de Joan à tout prix, et qu'elle n'était pas plus contente qu'ils l'achètent cher ou qu'ils l'aient acheté bon marché. Ça, c'est quand il y avait. Elle parlait d'un ancien collectionneur, elle était très très heureuse, même si le collectionneur avait payé le tableau 3 francs 6 sous. Écoutez, au fond, je le dis d'elle parce que c'est elle qui me le fait ressentir le plus. Quand je vois son œuvre, je reconnais à la fois le déchirement Pierre Schneider. Et cette solution du déchirement qui est de montrer que les deux moitiés peuvent tenir ensemble. C'est un diptyque, on voit la coupure et néanmoins... on voit aussi la réconciliation. Le premier peintre, c'est Dieu. Dans la Genèse, vous vous rappelez comment il fonctionne, il crée par division. Et d'ailleurs, il fait exactement à la fin de la première journée, il fait exactement ce que font les peintres. À la fin de la séance, il se recule, il regarde, il dit c'est bien. Et donc, en 7 jours, il procède chaque fois par division. Ça, c'est le privilège de Dieu. Nous, on arrive après. La division, pour nous, c'est une blessure. Une division n'est pas automatiquement créatrice. Quand nous divisons, nous blessons. Donc un peintre, quand il commence, il déchire la toile. Il se déchire lui-même. Il faut suturer. Et ces tableaux, qui sont parfois des accumulations de contradictions, finissent par atteindre un point où je ne dirais pas que l'harmonie règne, que ce ne sont pas ceux que je préfère. Je préfère ceux où la tension est assumée dans ce qu'elle a de plus contradictoire. La série chant, qui est à la fois échelonnée dans l'espace, comme les chants le sont quand on les voit d'une hauteur et qu'on les voit s'étendre vers le loin, et en même temps entassés les uns sur les autres comme des boîtes. Quoi de plus contradictoire? Ce n'est qu'une expérience visuelle. Là, il ne s'agit pas de dire que la perpendicularité, même si la perpendicularité, la frontalité est toujours religieuse, sacrée, et le profane a tendance à être horizontal et en perspective. Donc on peut dire que chez elle, dans des tableaux comme ça, il y a une solennité religieuse et en même temps une espèce d'attachement à la terre, et que donc c'est ça qui joue. Et ça, vous l'avez dans, dans son geste, qui est d'affirmation violente, décisif, et qui s'achève en une espèce de chose vibrionnante, timide, légère, des formes extrêmes, parfois même géométriques, extrêmement denses, qui s'effilochent ou qui se défont de l'intérieur pour aboutir à un fond qui est comme une plèvre légère, du rose blanc. Elle a des roses, des blancs indicibles elle devait aimer Corot, mais c'est d'une telle légèreté. Ces moments-là, qui pour moi sont des moments de sérénité, mais c'est plutôt l'œil du cyclone. Vous les trouvez dans les tableaux les plus menacés, les plus orageux. Vous trouvez ces zones-là. C'est continuant comme ça, alors que peut-être il y a cette lumière d'une intensité forcenée dans les tableaux des dernières années. Vous savez, il n'y a pas de progrès en peinture. Quand on le demandait à Matisse, il disait mon tableau est fini quand j'y ai retrouvé la sensation, l'émotion qui m'a fait commencer ce tableau. Mais que vous a-t-il dit? Est-ce qu'il vous a révélé un secret? Non. Et ça, je crois que c'est ça, au fond, le dernier mot qu'on pourrait dire là-dessus. Là. On ne demande pas à la peinture des réponses, on lui demande des présences. Et c'est ce qu'elle donne. I ain't going down, oh, honey, to the world no more. Oh, and I ain't got nothing. Oh, and I can't stand nothing. Oh, I ain't going down. Oh, sweet mama to the well no more. Oh, you said you was a true believer. I'm the true believer. I'm the true believer. Oh, I ain't going down. I ain't going down. Oh, mama to the well no more. Oh. Avec Véronique Butin, Jacques Bouzeran, Philippe Dagen, Jean Fournier, Yves Michaud, Philippe Piguet, Pierre Schneider et des visiteurs de l'exposition Joan Mitchell au Musée du Jeu de Paume. Texte lu par Rebecca Poli et Valère Bertrand. Remerciements à la délégation des arts plastiques pour le prêt du film de Marion Cajori, Joan Mitchell, Portrait of an Abstract Painter. Enregistrement et mixage, Sandrine Bréchaud, Philippe Dupin, Yann Parentoen et Agnès Varnier. Joan Mitchell, peintre de la vitalité furieuse, une émission de Catherine Serre, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée la première fois le 8 septembre 1994 sur France Culture.